Radio Notre-Dame. La vie prend un sens. Merci de votre fidélité à Radio Notre-Dame. Très belle matinée à tous. Les prochains points sur l'information, ce sera à 8h avec le Flash Info et à 8h30 avec l'actualité internationale du journal de Radio Vatican. Mais tout de suite, 7h35, le grand témoin, Louis Dauphresne. Le grand témoin, Louis Dauphresne. À quoi ressemblera le monde dans 100 ans, dans 1000 ans, au plus près de nous, dans une vingtaine d'années? Essayons justement de savoir ce qui va se passer. La connaissance des cycles en histoire peut-elle nous aider à prédire les événements? Le facteur d'incertitude est ce qui fait le charme de la vie, certes, mais c'est aussi la source de toutes les peurs, après tout. Gouverner, c'est prévoir, on le sait bien. Dans quelle mesure puis-je prévoir? Dans quelle boule de cristal planétaire? Eh bien, on a peut-être trouvé la solution, ou du moins une idée qui peut représenter une solution. C'est ce qu'on va débattre ce matin. En comparant les civilisations antiques et modernes, les mêmes causes produisant sans doute les mêmes effets, on va voir si on peut tisser des correspondances dans le temps. Et c'est Philippe Fabry, qui est historien du droit, historien des idées, qui a élaboré toute une théorie, toute une méthode. Alors il s'est inspiré aussi de ce qui existait, bien sûr, puisqu'il en fait un condensé, dans un ouvrage intitulé « Histoire du siècle à venir, où va le monde selon les cycles des civilisations ?» C'est aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Bonjour Philippe Fabry. Bonjour Louis Dauphresne. Alors ce qui est très intéressant, c'est d'imaginer que l'histoire se répète. En fait, c'est un peu ça. En fait, c'est un peu ça, effectivement. Elle se répète. On a parlé de théorie de cycle. On peut parler de modèle pour ceux qui préfèrent bien visualiser le fait qu'on ne parle pas des mêmes entités qui reproduisent les choses, puisque l'histoire est partiellement cyclique, partiellement linéaire. Simplement, on voit les mêmes modèles se reproduire d'une civilisation à l'autre, et souvent avec, à l'autre, et souvent avec un ordre précis et qui dessine un système que donc, une fois identifié, on peut essayer de projeter dans le futur. Alors, avant que vous nous expliquiez un petit peu de quoi il s'agit, est-ce qu'on peut savoir, on va essayer aussi de le retracer dans votre portrait, de savoir ce qui vous a alerté, vous, ce qui a suscité l'intérêt chez vous pour ce type de reconstitution? Alors, ce qui a suscité l'intérêt, c'est... Alors, c'était il y a quelques années déjà, il y a un peu plus d'une douzaine d'années, j'étais au lycée à l'époque. J'avais lu dans la Nouvelle Revue d'Histoire un article qui parlait d'Albert Thibaudet. Albert Thibaudet, qui est un auteur, donc, début du XXe siècle, qui avait écrit un livre qui s'intitulait « La campagne avec Thucydide », et qui avait vécu la Grande Guerre, qui avait combattu dans les tranchées, et qui lisait en même temps, donc, l'histoire de la guerre du Péloponnèse de l'historien grec Thucydide. Et pour Albert Thibaudet, il y avait un parallèle tout à fait frappant à faire entre ce qu'il vivait et ce conflit qui paraissait suicidaire entre les nations européennes et ce qu'avait été le conflit suicidaire entre les cités grecques de la guerre du Péloponnèse. Et à la même époque, on était en plein débat dans le faut-il ou pas faire la guerre en Irak, hein, puisque c'était le grand débat de l'époque. Et on se souvient que c'était l'époque du French bashing aux États-Unis. On critiquait beaucoup la France. Et inversement, nous, on reprochait aux États-Unis d'être des va-t-en-guerre. Et j'avais une professeure latine qui nous avait expliqué que les Romains et les Grecs avaient exactement les mêmes rapports. Les Romains trouvaient que les Grecs étaient efféminés, savaient plus se battre, ils savaient plus gagner une guerre. Alors que les Grecs étaient persuadés que les Romains étaient des brutes, qu'ils avaient tendance à être vulgaires et va-t-en-guerre. Et donc, j'ai commencé à apprécier, je me suis aperçu que ces différentes comparaisons faisaient système. J'ai essayé de voir si on pouvait pousser le bouchon un petit peu plus loin, et je me suis aperçu que les faits collaient systématiquement. Mais alors Philippe Fabry, est-ce qu'on n'est pas tenté, ce serait une question qu'on pourrait vous poser, hein, est-ce qu'on n'est pas tenté d'imaginer qu'en fait vous trouvez ce que vous voulez chercher? Alors ça, c'est tout le problème du chercheur qui pose une hypothèse de travail et qui ensuite essaie de la vérifier ou de la contrer. Ce que je peux vous dire, c'est que les schémas que j'ai trouvés, dont on parlera un petit peu après plus dans le détail, correspondent parfaitement. J'ai pas trouvé en général de contre-exemple, c'est-à-dire que j'ai pas trouvé véritablement d'obstacle. Et surtout, les modèles que je trouve ne sont pas applicables à toutes les civilisations. Par exemple, on pourrait dire que ce que j'ai trouvé de commun dans Rome et dans l'Amérique, bien, c'est valable pour tous les empires. Mais le fait est que non, c'est-à-dire que ça ne fonctionne que pour Rome et que pour l'Amérique. C'est ce qui me pousse à penser que ces modèles ont quelques pertinences. Donc les modèles sont identifiés, hein. Il ne s'agit pas de dire ce sont les empires en général, c'est tel empire qui va avec tel autre. Non, tout à fait. C'est effectivement quelque chose de beaucoup plus précis, ce qui me distingue de ce qu'ont pu écrire d'autres théoriciens de l'histoire comme Oswald Spengler ou Arnold Toynbee dans la première moitié du XXe siècle. Alors évidemment, si l'histoire se répète, s'il y a des cycles, hein, vous allez les exposer, on est là aussi tenté de penser que la liberté de l'homme est bien réduite. Alors ça, c'est un de mes champs de recherche que j'aborde déjà un petit peu dans ce livre. J'espère pouvoir continuer à travailler sur ce sujet. C'est-à-dire l'articulation entre ce qu'on pourrait appeler des déterminismes, mais qui finalement n'est que le résultat d'un comportement de masse de l'humanité dans lequel le libre arbitre de chaque individu est pris en compte. Donc cette dichotomie entre le libre arbitre et le déterminisme, c'est vraiment un sujet important et que j'essaie de traiter également. Mais ça veut dire que les individus ne tirent pas les leçons de l'histoire, puisque si celle-ci se répète, c'est que nécessairement, les mêmes causes produisant les mêmes effets, puisqu'on l'a bien dit, ça veut dire qu'ils subissent d'une certaine façon un instinct qui pourtant devrait peut-être les alerter s'ils avaient eu connaissance de ce qui s'était passé avant. Effectivement, j'y vois deux explications. D'une part, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les cycles ne sont pas reproduits par les mêmes. Nous avons reproduit la trajectoire des Grecs, mais nous ne sommes pas les Grecs. Les Grecs, eux, avaient appris de leurs leçons, puisqu'ils n'ont pas fait deux fois les mêmes choses, mais nous ne sommes pas les mêmes. Et l'autre explication que je pourrais donner à ça, c'est que souvent, nous sommes extrêmement ignorants des points pertinents de l'histoire passée. Par exemple, aujourd'hui, on s'interroge sur l'avenir de l'Union européenne, la manière dont elle peut se constituer. Et en réalité, il a existé dans le passé des institutions équivalentes chez les Grecs, qu'on appelait la Ligue Achéenne, et qui est pratiquement ignorée. On ne l'enseigne pas chez nous, parce que chez nous, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire des Grecs jusqu'à Alexandre le Grand. Et ensuite, on reprend à Rome et on ignore ce trou, lequel est finalement ce qui était le moment le plus proche de ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, on va essayer d'élucider tout cela, justement, Philippe Fabrice. C'est dans la Ville Rose, Toulouse, donc, que vous voyez le jour en 84. Vous rêvez d'être dès le plus jeune âge, de devenir écrivain. Mais vous choisissez des études de droit, un choix de raison, dites-vous. Et puis aussi parce qu'il y a beaucoup de juristes dans votre famille, et c'est l'histoire du droit qui vous fait revenir, finalement, vers l'histoire. Marion Duchesne. Je suis tombé dedans tout petit en lisant l'histoire de France racontée aux enfants d'Alain Decaux. Philippe Fabry devient donc le premier universitaire de la famille. Au cours de ses études, il découvre Hayek, von Mises et l'école autrichienne, puis la théorie de l'histoire avec Toynbee et Spengler. J'avais déjà en tête l'idée des cycles bien avant de les lire, explique Philippe Fabry, dont le blog s'intitule « Historionomie ». Même si les choses ne se répètent pas à l'identique, il y a des grandes lignes dessinables. Il existe des lois de l'histoire, explique celui qui se définit justement comme un historien théoricien. Attention, ajoute Philippe Fabry, je ne fais pas de la futurologie, mais je dresse le champ des possibles. Il s'agit donc de prévoir des événements futurs à partir de cycles d'événements passés. La méthode de Philippe Fabry, elle est très empirique, répond-il. À la croisée entre l'histoire immédiate et ancienne, la géopolitique moderne, l'économie et la sociologie, je fais des parallèles. C'est ce qu'il a fait dans son premier ouvrage paru aux éditions Jean-Cyril Godefroy il y a plus d'un an, Rome, du libéralisme au socialisme, leçon antique pour notre temps. C'est ce qu'il fait une fois encore avec son deuxième opus, Histoire du siècle à venir, et d'autres ouvrages dans la même veine devraient suivre. De quoi susciter un rejet épidermique de la part de certains historiens. Cela tombe bien, Philippe Fabry aime le combat intellectuel s'il reste fair-play. La recherche, dit-il, c'est autant poser les bonnes questions que trouver les bonnes réponses. En attendant, l'historien se dit à la fois pessimiste et optimiste. Le pire est à venir, mais le meilleur aussi. Même si sa foi n'a rien à voir dans sa démarche scientifique, Philippe Fabry ne cache pas qu'il est catholique. C'est d'ailleurs sur ce point qu'il se dit le plus optimiste. « Je pense, conclut-il, que le catholicisme est à l'aube d'une renaissance mondiale. » Est-ce que vous avez les éléments pour le dire sur ce dernier point, Philippe Fabry ? Alors tout à fait. Et cette conclusion, elle vient de l'un des parallèles que je dresse, qui est celui entre l'histoire du judaïsme, l'histoire politique du judaïsme de l'Antiquité et celle de l'islam. Je ne vais pas reprendre le parallèle dans l'ensemble, mais disons que pour l'étape où nous en sommes, l'histoire actuelle de l'islam, en particulier depuis 1979, qui est véritablement le début de l'islam violent contre l'Occident. C'est à la fois la naissance de la République islamique, c'est l'invasion russe de l'Afghanistan, mais c'est aussi un événement qu'on a tendance à oublier un peu, qui a été la prise d'otage de la Mecque, qui avait impliqué, je crois, 400 personnes. Donc ça, c'est le départ de cette guerre-là. Et c'est un ami théologien, d'ailleurs, qui m'avait aiguillé vers ce parallèle-là, qui s'appelle Arnaud Dumouche, et qui m'avait dit « Mais tu devrais lire Flavius Joseph, parce qu'à l'époque, je ne l'avais pas lu, et lire son histoire de la guerre des Juifs. » Et je me suis aperçu qu'en fait, les zélotes juifs de l'époque romaine avaient exactement la même perception de la religion que les combattants de Daesh aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était des gens très violents, millénaristes, qui voulaient établir un empire juif sur le monde et qui ont fini par obtenir des Romains la destruction du Second Temple et la dispersion des Juifs. On retrouve un petit peu les mêmes schémas aujourd'hui. Et il faut savoir que Flavius Joseph, à l'époque, qui avait été un indépendantiste juif, a rejoint les Romains par des goûts de ces combattants-là, et il appelait les combattants juifs des révolutionnaires, c'est-à-dire il expliquait c'est pas ça le judaïsme, en gros, comme aujourd'hui on entend très souvent, ce n'est pas ça l'islam, c'est tout à fait ça. Et ce qu'il faut, l'issue de tout ça, ça a été que ce judaïsme millénariste et guerrier a fini par dégoûter une grande partie des juifs, et notamment des convertis juifs hellénistiques. Il y en avait beaucoup, hein. La population juive de l'époque, c'était 4 à 5 millions de personnes. C'était presque 7% de la population de l'Empire romain. Une grande partie de ces gens-là se sont écartés du judaïsme traditionnel, et ça a favorisé énormément ce nouveau judaïsme, cette religion issue du judaïsme, qui était le christianisme à l'époque, qui était en plein essor, parce que lui, justement, n'avait aucune violence dans son discours, et s'était toujours tenu à l'écart, vigoureusement à l'écart, et avait critiqué les guerriers juifs. Et je pense que le christianisme va bénéficier de ce genre de mouvement. De contre-coup, en quelque sorte. De contre-coup. Et il en bénéficie déjà. On voit se multiplier dans le monde arabe soit les apostasies, mais beaucoup plus souvent les conversions au christianisme d'individus qui, tout en restant attachés à la religion, tout en restant attachés à la foi, donc ils n'ont pas envie de basculer dans l'athéisme, sont écartés, paradoxalement, alors que le but de Daesh et des djihadistes de conquérir le monde, sont écartés de leur religion et sont précipités vers le christianisme. Le diable porte pierre. C'est ça la leçon universelle. C'est cela la leçon universelle. Et j'ajouterai à cela, en plus, qu'il s'est passé des choses très importantes dans l'histoire de l'Église au XXe siècle. Le Concile Vatican II a été l'équivalent, pour moi, dans l'histoire, une forme de répétition, là aussi, de ce qu'a été le concile de Jérusalem, le tout premier concile, qui avait déterminé qu'il n'était pas nécessaire que les païens subissent la circoncision pour devenir chrétiens, et qui avait aboli un certain nombre, pas tous à la base, ça c'est venu par la suite, mais aboli un certain nombre d'interdits alimentaires. Donc c'était une déjudaïsation du christianisme, c'est-à-dire une acculturation qui a permis son assimilation plus facile par des gens qui étaient de culture non-juive. Et avec le Concile Vatican II, qui a été très douloureux pour les Européens parce que ça a été effectivement un moyen d'arracher le christianisme à la culture européenne, et le christianisme en a souffert en Europe même, mais son ascension, sa diffusion a été accélérée dans l'ensemble du monde par ailleurs, parce que finalement le christianisme a été désoccidentalisé et plus facile à porter, par exemple, auprès des populations sud-américaines, ou en particulier des populations africaines et chinoises aussi, où l'Église est en pleine dynamique malgré la répression. Il y a une très forte ascension du christianisme en Asie. Tout à fait. Hein. Que ce soit d'ailleurs catholique ou protestant, là c'est le christianisme que vous voyez au sens large. Alors justement, des phénomènes, puisqu'on commence sur ce terrain-là, des phénomènes comme le protestantisme qui sont apparus comme étant un rameau de l'histoire, est-ce que vous arrivez à les rattacher à des phénomènes comparables dans le passé ? Parce que tout ne peut pas être ramené à des correspondances présent-passées, c'est pas possible, non ? Alors, tout ne peut pas être exactement ramené à des correspondances présent-passées. En revanche, il y a des mouvements de fond qu'on retrouve, par exemple, si vous regardez l'histoire grecque, puisque je fais un parallèle entre l'histoire des cités grecques et celle des nations européennes. On va y venir. Les cités grecques avaient à l'origine une religion qui était relativement commune, avec des sanctuaires communs, notamment le sanctuaire de Delphes, bien connu. Et c'est avec la construction des cités-états, on va dire leur cristallisation, que sont apparues de plus en plus des religions nationales, avec des héros nationaux et des cultes nationaux. On n'a pas vu exactement la même chose en Europe, mais il faut constater que le triomphe de la réforme a correspondu au triomphe de l'État en Europe. C'est-à-dire, c'est au moment où les monarchies se sont véritablement constituées en État moderne, à partir du XVIe siècle, que la réforme a profité de ce mouvement. L'anglicanisme, ça a été une nationalisation du catholicisme. On y a un petit peu échappé en France, même si on a failli arriver à la même chose avec le gallicanisme. Et donc, pour ce qui est de ce mouvement de division d'une religion commune par la naissance de l'État et la naissance des nations, ce qui arrive avec la paix d'Augsbourg et cuius regio et eius religio, hein, c'est-à-dire à chaque État sa religion, ça c'est un phénomène qui est comparable et qu'on retrouve dans les deux cas. Alors Philippe Fabry, qu'est-ce qui fait hurler les autres historiens ou d'autres historiens devant la méthode que vous utilisez ? C'est l'anachronisme ? Enfin, c'est l'accusation d'anachronisme, c'est quoi ? Alors, l'accusation d'anachronisme, elle vient assez souvent, à mon avis, mal formulée, parce qu'on fait un anachronisme lorsque l'on inverse un effet et une cause. En revanche, lorsque l'on décide de donner un nom d'aujourd'hui à un événement du passé, ça choque beaucoup d'historiens qui diront « oui, mais à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça ». Seulement, pour moi, c'est faire preuve d'un petit peu de singularisme historique ou de nominalisme historique, pour employer un terme compliqué, c'est-à-dire de refuser de nommer l'idée qu'il y a des idées qui sont permanentes. Or, il y a des idées qui sont permanentes, et j'ai envie de dire qu'à l'époque des dinosaures, un dinosaure plus un dinosaure, ça a toujours fait deux dinosaures. Donc un plus un a toujours fait deux, et de la même manière, donc il y a des mécanismes qui ont toujours été permanents. Donc ça fait bondir certains historiens. Et l'autre problème qui est un petit peu lié, c'est que l'histoire, et c'est pour ça que j'ai donné un autre nom à ce que je fais, j'ai appelé ça l'historionomie, c'est-à-dire la recherche des lois de l'histoire, un petit peu comme l'astronomie et la recherche des lois des astres par l'observation. C'est un petit peu autre chose que l'histoire. C'est quelque chose qui va un petit peu au-delà, comme la biologie est allée jadis au-delà des sciences naturelles. En histoire, les historiens ont tendance à considérer, et c'est l'utilité aussi de leur science, que tout ce qu'ils étudient est sui generis, tout ce qu'ils étudient est particulier. Donc c'est la disposition d'esprit inverse qui leur un historien qui tout est contextualisé. Un historien qui étudie son sujet va travailler dans la démarche de savoir qu'est-ce qui est spécifique dans ce que j'étudie, plutôt que qu'est-ce qui est général et qu'est-ce qui est finalement banal dans ce que j'étudie. Donc c'est deux démarches intellectuelles qui sont différentes, et effectivement, du coup, ça gêne beaucoup d'historiens. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'historiens qui se situent sur ce créneau de distinguer des lois générales dans le particulier ou de reconstituer les choses telles que vous faites ? Alors, il y en a très peu. On voit régulièrement des historiens qui essaient de comparer un peu une situation du passé avec le présent. Puis c'est souvent aussi un bon moyen de vendre les livres d'histoire en intéressant le public avec ce qu'il se passe aujourd'hui, parce que c'est souvent l'objection que reçoivent les historiens. À quoi ça sert, hein? Une étude systématique et la recherche de lois générales, c'est quelque chose qui est finalement très rare. Et on parlait tout à l'heure de Spengler et de Toynbee, qui ont été très peu suivis. Toynbee a été beaucoup lu quand il est sorti, mais on a senti que les historiens n'avaient vraisemblablement pas su trop quoi faire de ce qu'il avait dit. Alors il y manquait peut-être quelques petites choses, mais c'est vrai que c'est un mouvement dans lequel on a du mal à rentrer. Alors, Philippe Fabry, on va justement entrer dans ce mouvement que vous décrivez. Est-ce qu'on peut commencer par le premier attelage ou le premier cycle que vous décrivez ? Alors, je vais vous laisser exposer les choses parce qu'il faut quand même qu'on comprenne bien. On a déjà bien compris la correspondance que vous avez faite entre les zélotes qui ont, par contre-coup, suscité, d'une certaine façon, la propagation du christianisme, même à leur corps défendant, et la correspondance qu'il y a aujourd'hui avec la renaissance du christianisme par rapport à un islam extrêmement virulent. Donc ça, on a bien compris cette première correspondance. La correspondance qui nous concerne au premier chef, est-ce qu'on peut la faire entre l'Europe, aujourd'hui, l'Europe et les États-Unis, par exemple ? Nos rapports Europe-États-Unis, vous en faites déjà un cycle qui est apparu dans l'histoire à une autre époque, une époque antique. Est-ce qu'on peut le détailler ? Alors, ce parallèle, il était entre la Grèce, donc les cités grecques, et Rome. Ce qui est très intéressant, c'est que dans les parallèles que j'ai dressés, vous avez un parallèle général qu'on peut établir entre l'histoire de la Grèce et l'histoire de l'Europe. On en a déjà un peu parlé. De la même manière, entre l'histoire de Rome et l'histoire des États-Unis. Mais en plus, entre eux, ces parallèles se répondent. C'est-à-dire que les rapports qu'entretenait la Grèce avec Rome, on les retrouve dans leurs équivalents actuels, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je détaille un petit peu chacun de ces parallèles. Comment vous avez procédé ? Comment j'ai procédé ? Alors, déjà, ça exige de connaître bien ces histoires. Donc, ça exige beaucoup de lecture, beaucoup de travail. Et ensuite, un travail d'identification des correspondances qu'on trouvait. Alors, j'en ai déjà évoqué une avec le problème de la religion. Dans la construction de l'État également, je l'ai entendu. On peut parler aussi des parallèles en matière de construction supranationale. Ce que j'évoquais brièvement tout à l'heure, c'est l'apparition des ligues, la Ligue étolienne et la Ligue achéenne au 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, qui correspondent à l'Union européenne, puisque c'était la tentative pour ces cités grecques qui avaient été trouvées très affaiblies après s'être fait la guerre entre elles dans ce monde. C'était la toute première mondialisation autour de la Méditerranée. Après avoir été la puissance dominante dans la Méditerranée, les cités grecques qui s'étaient faites la guerre entre elles se sont retrouvées bloquées entre de nouvelles nations géantes qui étaient Rome et qui étaient la Macédoine. Et donc pour lutter contre ce problème-là, ils ont cherché à s'unir et ont créé les ligues. Ce qui s'est passé également en Europe, puisque l'Europe qui s'est retrouvée au terme de la Seconde Guerre mondiale, qui a perdu tout son empire colonial, comme ça avait été le cas pour les Grecs, s'est retrouvée un petit peu coincée entre ces nouveaux géants, qui étaient les États-Unis d'Amérique d'un côté, Rome, et de l'autre côté, la Russie, l'URSS, qui était un petit peu l'équivalent de la Macédoine. Donc de la même manière, elles ont cherché à s'unir. Et aujourd'hui, on retrouve finalement les mêmes difficultés rencontrées par l'Union européenne entre la Russie et les États-Unis que la Ligue achéenne à l'époque, qui avait du mal à choisir entre la Macédoine et Rome, et qui en particulier était traversée par des difficultés internes entre les démagogues, qui eux étaient plutôt pro-macédoniens, qui réclamaient l'annulation des dettes, et de l'autre côté, l'aristocratie, qui était défendue notamment par l'auteur grec Polybe, qui expliquait que c'était la plus belle démocratie du monde, qui était en fait une démocratie des sachants, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui une technocratie, et qui lui était plus pro-romain, qui regardait vers les États-Unis. Et on trouve, vers Rome, aujourd'hui, on trouve effectivement une technocratie ou des élites européennes qu'on accuse souvent d'être à la remorque des États-Unis, et inversement des mouvements populistes, je pense à Syriza, je pense au Front National en France, qui ont tendance à porter au pinacle la figure de Vladimir Poutine et la Russie, qui est perçue comme une alternative, et qui ont un petit peu, donc, hier démagogue, aujourd'hui populiste, hier aristocrate, aujourd'hui technocrate. La Ligue achéenne a été traversée par les mêmes tensions que rencontre l'Europe aujourd'hui. Alors voilà une première démonstration de ce parallèle. On va évidemment essayer d'en savoir plus avec vous, Philippe Fabry, pour savoir comment l'histoire de l'un s'est terminée et essayer de prédire l'histoire que nous écrivons en ce moment. A tout de suite, histoire du siècle à venir, pour cette seconde partie du Grand Témoin, après 8h, après l'édito de Gérard Leclerc. C'est Philippe Fabry aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Où va le monde selon les cycles des civilisations ? Sens, Léo Potier. Ce mercredi, dans Enquête de sens, et au moment où les sénateurs planchent sur un nouveau texte pour lutter contre la prostitution, comment aider les prostituées à sortir des réseaux ? Cela fait des années que l'on en parle. Où sont les progrès ? On va essayer d'y voir plus clair à partir de 9h et on attend tous vos coups de fil au 01 56 56 44 00 et vos mails sur eqds@radionotredame.com. Vous souhaitez vous séparer de certaines pièces, meubles, tableaux, bibelots, linge de maison ou tout objet de collection? La Maison Philippe Antiquité les estime gratuitement et paie vos biens comptants. Nous réglons vos successions et partages. La Maison Philippe rachète toute argenterie, objets russes, montres gousset et montres bracelets. Maison Philippe se déplace sur rendez-vous, même en province. 01 45 90 38 04. 01 45 90 38 04. Chérie, on a encore reçu une augmentation de la mutuelle. Ah, cette fois-ci, je dis stop. Appelle vite Assurfrance Conseil. Catherine m'a dit qu'ils sont spécialisés dans les mutuelles seniors. Elle a même obtenu une économie de 60% sur sa cotisation. Pour un bilan gratuit sur vos mutuelles, contactez Assurfrance Conseil au 01 80 88 40 50. 01 80 88 40 50. 01 80 88 40 50. Assurfrance Conseil, parce qu'il est temps de vous faire gagner de l'argent. 6h-9h, Louis Dauphren, Flora Cortès. Et juste avant 8h, la Minute Spirituelle. Bonjour Père Jean-Marie Crespin. Bonjour. En continuant la lecture du texte du pape François sur l'année de la miséricorde, j'aimerais m'arrêter sur cette expression. La miséricorde, c'est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun, lorsqu'il jette un regard sincère sur le frère qu'il rencontre sur le chemin de la vie. Nous pourrions dire que la miséricorde, c'est la loi nouvelle de la relation humaine, de la relation fraternelle. Et combien il est nécessaire d'aller jusque-là. Nous comprenons que la relation avec Dieu peut être une relation d'amour et que nous avons besoin de tisser cette relation avec notre Père du Ciel. Mais qu'en est-il de la relation fraternelle, celui qui est autour de nous au quotidien, puis celui qui vient interrompre quelque chose de notre vie, celui qui fait une irruption dans notre vie? De quelle manière nous allons qualifier cette relation que nous tissons au nom de l'Évangile avec ceux que le Seigneur nous présente? Et là, l'exigence de la charité que le Seigneur nous permet de vivre avec lui réclame d'être vécue aussi avec ceux qui sont autour de nous. Merci Père Jean-Marie Crespin. Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. Nous sommes le mercredi 14 octobre, bonne matinée, le grand témoin aujourd'hui, Philippe Fabry, historien du droit, historien des idées, on le retrouve après les infos de Flora Cortès, l'édito de Gérard Leclerc à 8h03, Radio Vatican 8h30, un point sur l'actualité internationale comme chaque matin. 8h, c'est Flora pour les infos. Bonjour à tous. La chef de la diplomatie européenne et des hauts dirigeants iraniens se sont entretenus mardi à Bruxelles sur les options pour amener la paix en Syrie et combattre les djihadistes du groupe Daesh sur place, a indiqué lieu dans un communiqué. Il s'agissait des premières discussions de haut niveau entre les deux parties depuis la visite de Federica Mogherini à Téhéran en juillet à la suite de l'accord historique sur le nucléaire iranien. Il a été convenu que seule une voie politique qui implique toutes les parties peut assurer une solution stable au conflit en Syrie. À cette fin, un effort conjoint de tous les acteurs régionaux et internationaux concernés est nécessaire, selon le communiqué. Le Boeing assurant le vol MH17 qui s'est écrasé en juillet 2014 dans l'est ukrainien a été abattu par un missile sol-air de fabrication russe. Selon les enquêteurs, l'identité des coupables restant un sujet de discorde entre l'Occident et Moscou. Après 15 mois de travail, l'enquête internationale coordonnée par les Pays-Bas a par ailleurs conclu que Kiev aurait dû fermer cette partie de son espace aérien le jour du crash de l'avion de la Malaysian Airlines le 17 juillet 2014, 160 avions avaient survolé cette zone en guerre. Le ministre de l'Intérieur a annoncé mardi qu'il se rendrait en Jordanie et au Liban à la fin du mois dans le cadre d'une mission visant à préparer l'accueil en France de 400 réfugiés. Il s'agit de 400 personnes déjà enregistrées par le Haut Commissariat aux réfugiés dans des camps de réfugiés dont l'arrivée en France devrait avoir lieu dans les prochaines semaines ou les mois à venir, a précisé l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Bernard Cazeneuve, qui a fixé mardi sa feuille de route aux forces de l'ordre sur fond de terrorisme et de crise migratoire, les appelant à ne pas opposer police et justice à la veille d'une manifestation devant la chancellerie. Il a évoqué à demi-mot, sans jamais le nommer, ce rassemblement prévu aujourd'hui par tous les syndicats de police sous les fenêtres de la garde des Sceaux. Cette manifestation fait suite à la fusillade en Seine-Saint-Denis au cours de laquelle un policier a été très grièvement blessé la semaine dernière par un malfaiteur en cavale et fiché. François Hollande a plaidé mardi pour le dialogue social et dénoncé la brutalité d'où qu'elles viennent des mouvements comme de certains patrons, alors que le gouvernement est parfois accusé de ne pas condamner la violence patronale à Air France. À Air France, le dialogue a repris car il y a un moment où chacun prend conscience que la violence peut être destructrice. Ce qui vaut pour Air France vaut pour le pays, a déclaré le chef de l'État en marge d'une visite à Saint-Nazaire. Enfin, seule la moitié des candidats qui ont échoué au baccalauréat 2013 se sont inscrit à la session suivante de l'examen. C'est ce que rapporte une étude du ministère de l'Éducation publiée hier. 8h03, Gérard Leclerc s'intéresse aux multiples unes de presse qui parlent du pape François. On vous écoute, Gérard. Le pape a beaucoup de succès dans les médias du monde entier. La presse française n'est pas en reste. Le Point lui consacrait sa une la semaine dernière pour annoncer un dossier substantiel sur celui qui serait l'homme le plus influent du monde. Hier, c'était Libération, avec aussi la photo de François en couverture et un titre alléchant. C'est 7 défis capitaux. En tant que collègue, il m'est un peu pénible de faire la critique de mes semblables. Mais je dois dire quand même que depuis très longtemps, je m'interroge sur la méthode de traitement du religieux en général par la profession. mon maître vénéré, le cardinal Henri de Lubac, avait une véritable allergie pour la presse, car il ne reconnaissait en rien la substance de l'Église et de la foi dans le traitement que lui faisaient subir les journaux. J'imagine la façon dont il aurait accueilli l'éditorial de Libé, où il aurait pu lire cette proposition intéressante. Pour faire bouger la grande machine du catholicisme et le dogme, il faut plus que de la com. Ah certes, pour changer le dogme, cher Marc Semo, il faut tout simplement la force et le génie d'un hérésiarque. Est-ce bien ce que les confrères attendent du pape actuel ? En ce cas, ils ne se sont même pas donné la peine de l'entendre ou de le lire. François ne se distingue pas de ses prédécesseurs là-dessus. Certes, il peut donner des inflexions pastorales qui lui sont propres, qui correspondent à son expérience et à sa perception de la société actuelle. Le dogme, c'est purement et simplement la foi de l'Église. Et s'il n'y a plus de dogme, il n'y a plus d'Église. On se demande d'ailleurs si ce n'est pas le vœu plus ou moins secret de beaucoup qui n'admettent pas une institution qui leur est insupportable, aussi bien dans ses membres que dans sa tête. Ce qu'ils aimeraient, c'est que François soit une sorte d'antipape pour venir à bout de cette pauvre Église qui, après 2000 ans, continue à résister à toutes les pressions pour témoigner de ce qui la fonde. L'instrument médiatique, écrivait Lucien Sfez en 1988 dans « Critique de la communication », n'admet qu'une religion facile d'accès pour tous. Celle qui précisément a sacrifié tous ses dogmes sur son propre autel, c'est toujours vrai aujourd'hui. Merci Gérard Leclerc. À demain, la suite du Grand Témoin. C'est avec vous, Ludo Frenne. Philippe Fabrice, historien du droit, des idées, des institutions, comparaison et raison pour lui, puisque justement, à la lumière de ce qui s'est passé dans l'Antiquité, eh bien justement, il arrive à dessiner des schémas, des comparaisons qui nous aident à comprendre le temps présent. Et pourquoi pas le temps à venir, bien sûr, hein, avec cet essai qui s'appelle « Histoire du siècle à venir, où va le monde selon les cycles des civilisations ?» Alors Philippe Fabry, juste en écho à Gérard Leclerc, est-ce que, d'ailleurs vous le dites plus ou moins dans votre conclusion, vous dites que pour prédire l'avenir, il y a quand même quelque chose qui... il y a quand même une marge d'incertitude liée aux technologies, par exemple. Il y a un saut technologique qui va faire qu'il y a un caractère imprévisible de l'avenir, peut-être plus fort, qui nous sépare des années qui nous suivent, alors que finalement la Grèce n'est pas si loin que ça, c'est pas si loin que ça du 19e siècle à certains égards, pourrait-on dire, du point de vue technologique. Il y a cet aspect-là. Est-ce que ce que vient de dire Gérard, par exemple, sur le pape et la communication, est-ce que la société médiatique ne crée pas une société tout à fait nouvelle, inédite, qui alors pour le coup n'existait pas auparavant ? Alors, j'aurais tendance à penser que non. Vous savez, il y a une observation que j'ai faite qui est très très curieuse, mais j'en parle dans le livre, c'est qu'en dépit des évolutions technologiques, justement, quand on y pense, au XXe siècle, on a vu apparaître l'avion, on a vu apparaître le téléphone, on a vu apparaître la radio, on a vu apparaître la télévision, on a vu apparaître Internet, et pourtant, pendant tout ce siècle, nous n'avons pas cessé de nous comporter à l'identique de nos ancêtres grecs. Donc ça, c'est quand même curieux pour des gens qui vivaient dans des cités et qui n'avaient absolument aucun de ces moyens de communication. La réalité, c'est que je pense que Internet et ses moyens de télécommunication ont simplement ramené des sociétés qui comptent des dizaines de millions d'habitants à l'échelle de communication à l'échelle médiatique de ce qu'était la cité grecque. Dans la cité grecque, si vous preniez Athènes, vous aviez 40 000 citoyens et 300 000 habitants au total. C'était le tout dans un mouchoir de poche aujourd'hui. Hein, la ville était très petite. On est forcément dans un monde où tout le monde, ou en tout cas tous les gens qui comptent, connaissent tout le monde. Et aujourd'hui, Internet a simplement ramené un pays de la taille de la France, par exemple, à ce que pouvait être le microcosme intellectuel d'une cité comme Athènes. Donc je pense qu'au fond, simplement, quand le pape François parle, eh ben, il a autant de facilité à toucher les individus que quand Paul allait prêcher à Corinthe, par exemple. Cette mutation technologique... Ça ne change pas la donne. Voilà, n'a pas changé la donne. Alors, on va reprendre votre comparaison sur l'Amérique, l'Union européenne et la Russie, que vous assimilez à, d'un côté, Rome, la Grèce, la Ligue grecque et la Macédoine. Est-ce qu'on peut essayer de voir, puisque vous dites à un moment, je ne fais pas de divination ni de futurologie, mais comment les choses comment les choses se dessinent quand même à l'avenir, puisqu'il y a tout un chapitre que vous consacrez à la futurologie du siècle à venir, méthode et pratique. Tout à fait. Alors, dans le livre, j'ai bien essayé de séparer les deux, bien sûr, parce que j'ai conscience que l'aspect analyse intéressera peut-être plus certains que l'aspect futurologie. Mais cependant, je reste sur tout ce que j'ai dit dans ce livre. Ce que j'en dis, c'est que à l'époque, donc, ce clivage qui s'était constitué à l'intérieur de la Liga entre les aristocrates et les démagogues, et entre les pro-romains et anti-romains, et donc pro-macédoniens. Donc l'équivalent des technocrates et des populistes. Voilà, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui entre les technocrates et les populistes, et ce qu'on peut appeler les atlantistes d'un côté, et les poutinistes de l'autre. Ce clivage avait fini par amener une guerre, et par amener une guerre très grave, au cours de laquelle, qui avait résulté d'abord de l'éclatement de cette Ligue achéenne, puisque cette construction, et c'est ça qui est assez curieux, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, oui, les gens ignorent les leçons du passé. Quand on parle de l'Union européenne aujourd'hui, souvent on dit que c'est une expérience inédite dans l'histoire, ou alors on va aller chercher des exemples de confédérations comme il y en a eu plus récemment, par exemple au Moyen-Âge, le Saint-Empire romain germanique. Mais on ne va pas chercher ce qui était son strict équivalent dans l'Antiquité, c'est-à-dire cette Ligue achéenne, qui avait sa monnaie commune, qui avait ses institutions communes, au sein de laquelle on a essayé pendant longtemps d'arriver à une unité souvent forcée, et qui a fini par éclater. Et ce qui a été terrible, c'est que quand il y a eu cet éclatement, il s'est fait sous l'effet de ce clivage dont je parlais, qui était devenu très tendu, qui a entraîné une nouvelle guerre civile à l'échelle grecque, et en même temps qu'un conflit international, puisque la Grèce a finalement été le théâtre de la lutte d'influence entre la Macédoine et Rome. Et aujourd'hui, je crains qu'on aille vers quelque chose comme ça, et que cette crise soit née. À mon avis, ça a commencé même lors de la crise de Géorgie en 2008, mais encore plus avec les tensions qui sont apparues en Ukraine, qui exacerbent tout cela, avec en plus des tensions sociales qui sont exacerbées par la peur face à cette crise des migrants qu'on affronte depuis plusieurs mois, et un discours de plus en plus virulent qu'on voit pas trop dans les médias, mais qu'on voit particulièrement sur les réseaux sociaux, entre d'un côté justement ceux... Alors, qui ne sont pas des technocrates, puisque les gens qui sont sur les réseaux sociaux sont pas les élites dirigeantes de Bruxelles, mais disons des gens qui continuent à penser que le modèle d'alliance avec les États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale est un modèle qui a permis tout de même la paix et la prospérité essentiellement pendant 70 ans, et d'autres qui disent qu'il faut en finir, qu'il faut s'allier avec la Russie, faire barrage aux Américains. Et on sent que tout ceci pourrait finir par déraper comme ça l'a fait dans l'Antiquité. Et ça dérape de quelle façon, quand même, à l'arrivée, si on devait essayer de dessiner quelques lignes? Alors, si on doit essayer de dessiner quelques lignes, ça peut passer par des... Parce qu'il y a des scénarios. Alors, il y a des scénarios, bien sûr, que j'essaie d'entrevoir. Ce que je peux dire, si vous voulez, c'est un petit peu ce qui était dit dans mon portrait quand j'explique que j'essaie de mesurer le champ des possibles. C'est que je sais dans quelle direction on va. Je ne sais pas forcément quel chemin on prendra, mais je sais où on va. Et ce vers quoi nous allons, c'est à terme, comme ça a été le cas pour les cités grecques qui ont fini par devenir une province romaine, l'Union européenne va finir par éclater à cause de tensions entre États-Unis et Russie. Et comme la Russie ne sera jamais en mesure de gagner une guerre contre les États-Unis, nous finirons par être une province américaine. Simplement, entre-temps, comment ça va se passer? C'est ça la question. Je vois plusieurs solutions. En partie, mais tout passe par un éclatement de l'Union européenne, vraisemblablement un éclatement de l'OTAN, qui peut prendre plusieurs formes. Soit cela peut être suite à une attaque de la Russie de Vladimir Poutine contre les pays baltes, par exemple, contre laquelle les Américains ne seraient pas prêts à riposter immédiatement de peur d'une guerre nucléaire, ce qui à ce moment-là ferait perdre toute crédibilité à l'OTAN. Et donc à ce moment-là, on retournerait à ce que cherche Vladimir Poutine, c'est-à-dire l'éclatement de l'Union européenne et le retour à des relations purement bilatérales entre chaque pays européen, l'Allemagne, la France, etc., et la Russie, hein, c'est l'histoire de diviser pour mieux régner. Autre scénario possible pour cet éclatement, c'est le basculement d'un grand pays, et je pense plus particulièrement à la France parce que c'est la plus touchée avec les scores atteints par Marine Le Pen dans les sondages. Marine Le Pen a promis dans son programme qu'elle quitterait l'OTAN et qu'elle ferait un retour aux francs pour s'allier à nouveau avec Vladimir Poutine. Et à ce moment-là, ça permettrait malheureusement une France qui serait de fait à la botte de Vladimir Poutine, puisque Marine Le Pen est financée par, par la Russie, d'encadrer l'Allemagne et finalement l'Europe serait dans une situation où la Russie pourrait la faire chanter et il y aurait des défections massives vis-à-vis des États-Unis. Et les États-Unis seraient à ce moment-là en situation de panique parce qu'ils savent très bien que s'ils perdent l'Europe, ils perdent une grande partie de leur influence dans le monde. Et alors bon, il y en a qui disent que c'est parce qu'ils sont impérialistes qui veulent demeurer les maîtres du monde. Moi, j'ai une autre interprétation historique, c'est que les États-Unis sont persuadés que s'ils ne sont pas les premiers, ils sont en danger de redevenir des esclaves de l'étranger comme ils estiment qu'ils l'étaient avant leur déclaration d'indépendance. Donc c'est véritablement ça, un mythe fondateur qui les travaille profondément. Et il serait prêt à tout pour récupérer l'Europe, et ce d'autant plus que le parti de l'Amérique en Europe, qui est le parti essentiellement de la démocratie libérale, hein, ce que n'est pas la Russie de Vladimir Poutine, ne disparaîtrait pas du jour au lendemain, comme il n'avait pas disparu en Grèce dans la Ligue Achéenne. Donc ce sont les deux scénarios possibles que j'entrevois. Il y en a peut-être d'autres. Ce qui est certain, c'est la fin, c'est-à-dire que de toute façon, la Russie perdra. Et que les États-Unis... Donc la Macédoine perd. La Macédoine a perdu tout à fait, et je dirais même que son territoire a été divisé en quatre morceaux par les Romains pour être certain qu'elle ne renaîtrait pas de ses cendres pour être à nouveau dangereuse pour l'hégémonie romaine. Alors, il y a évidemment quantité de choses à dire à partir de ce que vous énoncez, Philippe Fabrier, on imagine bien. On va essayer d'avancer sur peut-être d'autres considérations pour qu'on puisse poser des jalons, les jalons de votre réflexion. Vous voyez l'océan Pacifique comme une nouvelle mer Égée. Et le rapport à la Chine, alors vous estimez que la Chine va être conquise par les États-Unis ? Voilà, alors ça tout à fait, j'en suis convaincu. Disons que Non, vous êtes très pro-américain. La Russie va perdre et la Chine va se faire envahir. Alors, je dirais que c'est la réalité qui est pro-américaine. Moi, je ne suis pas véritablement pro-américain dans la mesure où, à l'heure actuelle, je pense qu'il vaut mieux être américain qu'on vit plus tranquille et plus on fait respecter ses droits personnels plus facilement aux États-Unis qu'en Russie. Mais je pense qu'à long terme, et en particulier quand l'Amérique aura perdu ses adversaires, elle aura tendance elle-même à devenir de plus en plus tyrannique. Ce qui avait été le cas de Rome. Rome qui était à la base la cité du droit et de la liberté, a fini par basculer dans un régime impérial qu'on connaît, qui a d'abord été une dictature militaire et ensuite qui est devenue de plus en plus totalitaire. Et je crains que ce soit le genre de choses vers laquelle évoluent les États-Unis, et ça, pour le coup, ça ne me donne pas du tout envie d'être pro-américain. Simplement, ce sont les choses telles que je les vois arriver. Et alors, effectivement, ça, c'est assez dangereux. Et je pense que l'Amérique triomphera également de la Chine dans un conflit qui, à mon avis, risque d'être concomitant à ce qui se passera en Europe, parce que finalement, ce sera l'occasion idéale pour la Chine, en voyant l'Amérique en difficulté, de chercher à s'imposer en Asie, ce qu'elle essaie de faire déjà, mais ne peut pas faire avec trop de franchise, parce que militairement, elle n'est pas encore au niveau pour défier directement le géant américain. Alors, Philippe Fabrice, ça veut dire en fait que lorsqu'on dit qu'on est passé dans un monde multipolaire, éclaté, c'est pas si vrai que ça, si on vous écoute. Il y a finalement des grandes puissances qui, dans l'histoire, restent sous des étiquettes différentes, mais le jeu se fait finalement entre 3-4 acteur majeur. Alors voilà, alors il y a un vieux rêve, vous savez, qui est celui de la fin de l'histoire. On nous a dit au début des années 90 qu'elle était arrivée, que la démocratie libérale est triomphée partout. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. On a eu un moment de démocratie libérale. Pareil, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui rêvent d'un monde multipolaire et qui resterait définitivement multipolaire. Ce n'est pas ça que je vois arriver. Si on reprend le parallèle à l'époque qui correspond dans l'Antiquité au schéma de l'époque actuelle, donc ce qu'on disait avec Rome, la Macédoine et la Ligue Achéenne, on peut dire qu'à l'époque, le monde avait une certaine multipolarité, hein, puisque Rome ne s'était pas encore imposée partout. Simplement, c'est justement parce que Rome ne s'était pas encore imposée partout. Et cette multipolarité, je pense qu'elle risque de prendre fin dans ces conflits à venir, et où là on se retrouvera avec un monde tout aussi unipolaire que pouvait l'être le monde méditerranéen à l'époque romaine. Une autre comparaison, si vous le voulez bien. Vous dites à un moment, je ne peux pas malheureusement reprendre tous les éléments que vous énoncez, vous faites une comparaison entre le nazisme et Sparte, mais vous dites que le nazisme se serait très bien produit s'il n'avait pas rencontré le rival bolchevique. ce qui peut paraître un tenant, il y a des thèses aussi comme ça qui énoncent cette version d'histoire. C'est-à-dire que vous ne faites pas seulement une correspondance dans l'histoire, vous allez plus loin en disant que la chose se serait quand même produite. Voilà, est-ce que ce n'est pas quand même un petit peu excessif? Alors, si vous voulez, c'est aussi l'autre but, c'est-à-dire celui d'essayer de comprendre quels sont qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui est contingent, qu'est-ce qui devait se passer et qu'est-ce qui ne se serait pas passé. Et je pense qu'effectivement, pour un certain nombre d'événements, le fond devait se produire, c'est disons la forme qui était aléatoire. Et pour le national-socialisme, il était préparé intellectuellement par tout un tas d'anciennes idées allemandes sur la nation allemande, sur la langue, sur la race aryenne, qui sont des choses qu'on trouve dès le 19e siècle. Les racines du national-socialisme ont été souvent étudiées. Et cette conclusion, j'arrive en comparant effectivement l'Allemagne et principalement la Prusse, hein, qui est véritablement qui a été le centre intellectuel, si vous voulez, doctrinal ou de la mentalité, voilà, de la mentalité du national-socialisme, parce que le national-socialisme, ça a été une prussianisation de l'ensemble de l'Allemagne. Hein. C'était Mirabeau qui disait que la Prusse, c'était une armée qui avait conquis une nation, hein, c'est-à-dire pour bien dire la place de l'armée dans ce pays-là, qu'on retrouvait à Sparte. Et donc je pense que le national-socialisme n'aurait pas été le national-socialisme tel qu'on l'a connu, mais on aurait eu de toute façon un régime totalitaire, extrêmement militariste, même en l'absence du bolchevisme, effectivement, parce que ça, c'était le fond, si vous voulez, qui de toute manière devait arriver. La coloration qu'il a prise en regard du bolchevisme, ça, c'était contingent, c'était aléatoire, c'était pas nécessaire. Alors maintenant, la correspondance que vous faites, Sparte et national-socialisme, c'est vrai qu'il y a des siècles qui séparent les deux événements. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'écart entre certains événements? C'est aussi une question que l'on peut se poser. Pourquoi est-ce que les correspondances n'existent qu'entre l'époque contemporaine et l'époque antique? Et finalement, on a l'impression qu'entre les deux, il n'y a pas de théorie des cycles. Alors en fait, la théorie des cycles, elle a lieu entre les deux. Simplement, on peut dire que ce moment de Sparte, c'est un moment d'un ensemble beaucoup plus grand. C'est-à-dire que les cycles que je dégage dans ce livre, ils font 1600 ans. Donc effectivement, 1600 ans, peut-être un peu plus, disons que ceux que j'ai identifiés, c'est autour de cette durée-là qu'ils tournent. Ça peut être 1800, c'est l'avenir qui nous dira combien de temps exactement, mais le cycle actuel a se déroulé. Et donc, il est même tout à fait logique que dans cette mesure, à partir du moment où il faut 1200 ans de préparation, par exemple, pour arriver à un certain état de la société, mais il est normal qu'une fois que cet état est passé là, on attende encore 1200 ans pour arriver. C'était le cas avec tout à l'heure ce que je disais à propos des zélotes et aujourd'hui de l'islamisme radical de la même manière. Avant ça, il avait fallu 1000 ans d'histoire juive pour qu'on y arrive. Et là, de la même manière, il a fallu 1000 ans d'histoire musulmane avant d'arriver à la naissance de ce mouvement qu'on peut appeler le mahdisme, c'est-à-dire l'attente c'est l'équivalent du messie qu'attendaient les juifs, hein, mais un messie politique, militaire, c'est-à-dire ce que Jésus ne voulait pas être d'ailleurs, mais ce que prétendent être en général les chefs militaires musulmans. D'ailleurs, souvent, on a par exemple la milice de Moqtada al-Sadr en Irak s'appelle l'armée du Mahdi. Il y avait eu également le tout premier exemple de mahdisme moderne, c'était dans les années 1880 avec le fameux siège de Khartoum qui avait vu s'installer un État islamique au Soudan, par la suite, qui avait duré pendant quelques années, avant la mort de son chef, qui n'avait pas vu l'apocalypse et la fin des temps, qui donc avait montré que ce n'était pas lui le Mahdi. Alors, Philippe Fabry, un point sur cette théorie des cycles, sur la durée que vous identifiez d'à peu près 1600 ans. Aujourd'hui, on a un stade de développement qui nous amène à penser qu'on est plutôt sur la fin d'un cycle. Alors, tout à fait. Je pense que nous arrivons sur la fin du cycle. Ce qui est assez difficile à dire, ce que je disais à l'instant, c'est de savoir dans quelle mesure la durée est variable. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément systématique. Le précédent cycle, entre le début de l'histoire grecque, on va dire, c'est-à-dire 1100 avant Jésus-Christ, qui était l'époque de la chute de l'empire mycénien, qui est l'empire dont est née la civilisation grecque, de la même manière que nous autres Européens sommes nés de la chute de l'empire romain. Et donc de cette date de 1100 avant Jésus-Christ environ jusqu'à la chute de l'Empire romain d'Occident, qui est donc le début de l'Europe, c'est-à-dire un cycle complet, le tour du cadran, on pourrait dire, il y a eu 1600 ans. Et aujourd'hui, on s'approche de la naissance de l'Empire américain, finalement. On est presque déjà à 1600 ans, on y sera à la fin du siècle, mais il n'est pas dit qu'il n'y ait pas un taux de variabilité et que la fin de ce cycle-là soit plutôt vers la fin du 22e siècle, par exemple. Donc en tout cas, vous n'imaginez pas du tout le déclinisme des États-Unis, le déclin des États-Unis ? Alors, je n'imagine pas le déclin des États-Unis pour l'instant, parce que leur apogée n'a pas encore été atteint. En revanche, il n'est pas impossible que leur déclin se produise plus vite que celui de Rome. Rome, à partir de la naissance de l'Empire, a mis 400 ans à s'effondrer. Aurait pu s'effondrer avant, d'ailleurs, hein, puisqu'il aurait pu s'effondrer dès le 3e siècle, mais il a survécu, et ça fait partie des aléas de l'histoire. Voyez. C'est-à-dire que la chute de l'Empire romain était déterminée, finalement, il devait finir par s'effondrer, mais le quand et le comment exactement restait quand même assez contingent, restait assez dans la liberté humaine. S'il n'y avait pas eu Aurélien au 3e siècle, l'empereur Aurélien, ben, il est probable que l'Empire se serait fondé au 3e siècle et que les nations européennes, au lieu d'apparaître à partir de la fin du Moyen-Âge au 12e, 13e siècle, ben, elles seraient apparues dès le 8e, 9e siècle. Donc il y a ce facteur d'incertitude. Voilà. Mais par exemple, sur les causes de la chute de l'Empire romain, on sait que les historiens ont du mal à identifier une cause unique. Bien sûr, il y a des dizaines de causes potentielles. Il y a l'aspect démographique notamment. Est-ce que ça caractérise aussi? Est-ce que c'est un signe aussi de l'évolution des civilisations, Philippe Fabry? Alors, la démographie, ça peut être un signe des civilisations. Vous savez, il y a un témoignage de Polybe, qui est justement de l'époque où je disais, hein, de ce parallèle entre la ligue grecque, Rome et la Macédoine, qui parlait de la Grèce et qui disait aujourd'hui en Grèce, les gens ne se marient plus, les gens ne font plus d'enfants, ou s'ils en font, ils en font seulement un ou deux, afin de pouvoir les élever dans le luxe et leur laisser un gros héritage. On a l'impression de lire une description des sociétés européennes d'aujourd'hui. Donc la démographie, on la retrouve. La cause unique de la chute de l'Empire romain, effectivement, ce sont des choses qui sont très discutées. Moi, j'avais pris le parti dans mon précédent livre d'en donner une, qui était ce que j'appelais le socialisme. Alors c'est le socialisme au sens de Friedrich von Hayek, c'est-à-dire une centralisation, une planification des décisions au niveau de l'État central, c'est-à-dire comme dans l'URSS finalement, qui paralyse l'initiative individuelle et qui explique toutes les autres causes qu'on a pu avancer, c'est-à-dire qui explique les causes des insuffisances militaires, qui explique les causes des difficultés économiques, qui explique la stagnation technologique, c'est-à-dire tout ça. C'est la machine qui se sclérose en fait. Voilà, la machine qui se sclérose, c'est-à-dire que c'est la cause des causes, on va dire, et cette cause des causes, je pense qu'on risque de la voir se développer également aux États-Unis. Merci beaucoup Philippe Fabry. Histoire du siècle à venir, où va le monde selon les cycles des civilisations? C'est aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Philippe Fabry est historien du droit et des idées politiques. Je ne l'ai pas rappelé, vous avez été prix Turgot du jeune talent. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Merci. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com. Merci Louis.